Today is 18th of June, year 2016. On Saturday, our retreat start now the fourth day. The previous day, I mentioned how to go on practicing Vipassana meditation to understand about our mental and physical phenomena incorrectly and as real as they are. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2016. Au cours des enseignements qui ont précédé, nous avons vu comment il fallait pratiquer Vipassana dans le but de comprendre correctement les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent. Nous avons donc étudié ces choses, nous les avons observées, et nous commençons à comprendre correctement le corps et l'esprit. En d'autres termes, nous commençons à comprendre en quoi consiste réellement la vie. Il y a deux choses qu'il faudra comprendre. Il y a d'une part la théorie et d'autre part l'expérimentation de cette théorie. Nous allons expérimenter la théorie au cours de notre pratique de Vipassana. Nous allons observer les phénomènes physiques et mentaux qui nous constituent et nous allons expérimenter ce qui est expliqué dans les Écritures. La méditation, c'est essentiellement un effort mental. Mais nous allons observer au cours de notre méditation des phénomènes physiques, par exemple le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Nous allons observer attentivement ces phénomènes physiques et nous allons expérimenter, par exemple, de la dureté, du mouvement, de la chaleur. Nous allons également observer attentivement l'esprit dans le but de comprendre en quoi cela consiste réellement. Nous devons réussir à comprendre en quoi consiste l'esprit. Dans les Écritures, les paroles du Bouddha sont les suivantes. L'esprit, en pali on dit citta, est ce qui expérimente l'objet. Cette définition est très importante. L'esprit, c'est ce qui expérimente l'objet. Et nous pourrons vérifier tout cela au cours de notre pratique. Nous avons un esprit, on peut parfois dire une conscience, ce sont des synonymes. Le travail de l'esprit ou de la conscience, c'est d'expérimenter l'objet. Le fait que l'esprit est ce qui expérimente l'objet est facile à comprendre. Dans notre pratique, nous pourrons également le comprendre facilement. Nous avons un esprit et nous avons un corps. Et nous pourrons voir que l'esprit, c'est ce qui expérimente. Un cadavre n'a plus d'esprit. C'est un corps sans esprit. Un cadavre ne peut donc rien expérimenter. Lorsque quelqu'un meurt, son corps sera soit brûlé, soit enterré, soit jeté dans la mer, mais ce corps ne sentira rien. Il ne sait rien, il n'expérimente rien, tout simplement parce qu'il n'a plus d'esprit. Le corps et l'esprit constituent donc la vie. Cet ensemble corps-esprit constitue la vie. Si nous pouvons faire toutes sortes de choses, nous déplacer, penser, réfléchir, tout cela est dû à l'esprit. C'est l'esprit qui mène le corps. La vie, c'est donc l'interaction entre le corps et l'esprit. Et tout ceci deviendra très clair pour nous au cours de notre pratique. Si nous pratiquons Vipassana en ce moment, c'est précisément pour essayer de réaliser ces choses. Nous devrons vérifier la théorie au cours de notre pratique. Où l'esprit apparaît-il? Où est l'esprit? Dans le passé, il y avait beaucoup de religions qui n'apportaient aucune réponse à cette question. C'est pour cette raison que ces religions ont imaginé un Dieu qui créait une âme. Dans ces religions en général, on croit en l'existence réelle de l'âme. Mais lorsqu'on pratique la méditation Vipassana, on va observer et étudier attentivement l'esprit. L'accent est mis sur l'esprit. On va essayer de voir où se trouve l'esprit. Nous devons observer très attentivement tout ce qui se passe en nous. Nous devons faire une recherche et étudier le corps et l'esprit. En réalité, l'esprit n'existe pas à proprement parler dans le corps. Pourquoi? Oui, nous avons un esprit, mais où est cet esprit? Où se situe-t-il dans le corps? La définition de l'esprit, c'est qu'il expérimente l'objet. Où l'esprit va-t-il expérimenter l'objet? Il expérimente l'objet dans la base sensitive qui lui correspond. Il y a 6 organes sensoriels, 6 bases sensitives, l'œil, la base sensitive de l'œil, de l'oreille, du nez, de la bouche, du corps et de l'esprit. Lorsque l'objet visible est là, l'esprit l'expérimente. L'esprit qui expérimente l'objet visible, c'est la conscience visuelle. Lorsqu'il y a un objet audible, c'est la conscience auditive qui va expérimenter cet objet. Lorsqu'il y a une odeur, c'est la conscience olfactive qui va expérimenter cette odeur. Lorsqu'il y a une saveur, c'est la conscience de la langue qui va expérimenter cette saveur. Lorsqu'il y a une sensation dans le corps, c'est la conscience corporelle qui va expérimenter cette sensation. Et lorsqu'il y a une pensée dans l'esprit, c'est la conscience de la pensée qui se situe dans le cœur qui va expérimenter cet objet. Il y a donc différentes consciences, différents esprits qui vont se manifester. Comment cet esprit, ces consciences apparaissent-elles dans les bases sensorielles? Nous pourrons le constater, le comprendre très clairement lorsque notre concentration sera devenue forte et que nous verrons toutes ces consciences qui apparaissent à l'intérieur de nous. La conscience, l'esprit, apparaît dans les organes sensoriels. Y a-t-il quelqu'un qui crée ces consciences sensorielles? Non, il n'y a que des conditions. Des conditions pour que ces consciences se manifestent. La conscience visuelle apparaît dans l'œil, dans la base sensitive de l'œil. Quelles sont les causes, les conditions pour que cette conscience visuelle apparaisse? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il faut que l'œil soit là, en bon état de fonctionnement. Un aveugle, par exemple, ne pourra pas voir. Il faut également qu'il y ait un objet visible. S'il n'y a pas d'objet visible, il n'y aura pas contact entre la base sensitive et l'objet visible, puisqu'il n'est pas là. Il faut également que l'attention soit présente. Il y a souvent il peut souvent arriver qu'il y ait des tas d'objets devant nous que nous ne voyons pas, tout simplement parce que nous ne leur prêtons pas attention. Il faut donc que l'attention soit là également, sans quoi on ne peut pas voir. Il faut également qu'il y ait de la lumière. S'il fait sombre, on ne pourra pas voir l'objet. Il y a donc beaucoup de conditions pour que la conscience visuelle se manifeste. Beaucoup de conditions qui doivent être présentes. Si une de ces conditions devait manquer, la conscience visuelle ne pourrait pas apparaître. Qui crée la conscience visuelle? Personne ne crée cette conscience visuelle, il n'y a pas de créateur, il n'y a jamais que des conditions pour que ces consciences visuelles se manifestent. Tout ceci, c'est donc la théorie, et ce ne sera pas facile de comprendre tout cela si on ne pratique pas la méditation vipassana. Et c'est la même chose pour toutes les bases sensitives. En ce moment, vous entendez ma voix et vous comprenez la signification des mots que je prononce. Tout simplement parce qu'il y a votre oreille, votre base sensitive de l'oreille, qui est en bon état de fonctionnement, il y a le son, il y a le contact entre les deux, il y a l'attention. Les conditions pour entendre sont donc rassemblées. Mais si l'attention, par exemple, était absente, si vous ne prêtez pas attention aux mots que je prononce, vous n'entendrez pas. Chaque fois qu'il y a un son, il y a une conscience auditive. Le son disparaît instantanément et la conscience de ce son disparaît également. La conscience d'une syllabe n'est pas la même que la conscience de la syllabe qui va suivre. C'est une nouvelle conscience d'une autre syllabe. De cette façon, il y a une succession de sons et de consciences. À chaque instant, c'est à la fois le son et la conscience qui apparaissent et disparaissent. Si les conditions pour entendre ne sont pas réunies, il n'est pas possible d'entendre. Il n'y a aucun créateur qui pourrait faire apparaître entendre. On peut donc en conclure que l'esprit ne demeure pas à proprement parler dans le corps. Il n'y a jamais que différentes consciences qui apparaissent et disparaissent. Comme l'esprit, la conscience, apparaît sans interruption, nous pensons que cet esprit, cette conscience, perdure dans le temps. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Elle apparaît et disparaît à très grande vitesse. Ceci peut être expérimenté assez facilement avec les sons. Par contre, pour ce qui est des objets visibles, c'est plus difficile. Parce que l'objet semble constant. Mais prenons par exemple un éclair lorsqu'il y a de l'orage. L'éclair apparaît et disparaît instantanément. La conscience de cet éclair est également quelque chose qui apparaît et disparaît instantanément. Les consciences visuelles apparaissent et disparaissent donc à très grande vitesse. Elles ne restent pas. Elle ne dure pas, cette conscience. Elle se succède très rapidement, mais nous ne le voyons pas. Et c'est la même chose avec les autres consciences. Dès le moment où les conditions sont réunies, ces différentes consciences peuvent apparaître. Mais si les conditions manquent, ne sont pas présentes, il est impossible qu'il y ait conscience. Il n'est également pas possible qu'il y ait deux consciences en même temps. Pourquoi ? Parce que l'esprit est très rapide, si rapide qu'il est très difficile à attraper. Nous pensons que, en même temps, il est possible d'expérimenter plusieurs choses, que plusieurs consciences sont susceptibles de se manifester ensemble. Par exemple, nous pensons qu'au moment où nous voyons quelque chose, en même temps, nous pouvons entendre, nous pouvons goûter, nous pouvons sentir, etc. Mais en réalité, ceci n'est pas possible. Toutes ces différentes consciences apparaissent les unes après les autres. Elles n'apparaissent pas ensemble, mais elles le font à très grande vitesse. Dans les Écritures, on compare ces consciences, qui sont extrêmement fugaces et rapides, à l'eau d'une rivière qui coulerait sans arrêt. À chaque instant, c'est une nouvelle eau qui passe. Mais il n'y a pas d'espace entre ces différents moments, croit-on. Et donc, on pense qu'il s'agit de la même eau. C'est la même chose avec l'esprit. Comme nous ne voyons pas l'espace qui sépare les différentes consciences, parce qu'elles sont tellement rapides, nous pensons que c'est une seule conscience qui perdure dans le temps et qui demeure. Mais ceci n'est pas la réalité. Le processus des pensées, des consciences, est extrêmement rapide. Où est l'esprit? Ceci est assez facile à comprendre. Lorsque il y a un objet visible, l'esprit se manifeste dans la base sensitive de l'œil. Lorsqu'il y a un son, l'esprit se manifeste dans la base sensitive de l'oreille, etc. Mais lorsqu'il y a un objet mental, c'est plus difficile à comprendre. Dans les Écritures, on explique que la base pour les objets mentaux, c'est le cœur. Ici, on pourrait parfois penser que la base de l'objet mental, c'est le cerveau. Mais lorsqu'on pratique la méditation vipassana, que l'attention et la concentration se seront renforcées, nous pourrons voir clairement que ce n'est pas dans le cerveau qu'apparaît le contact avec les objets mentaux, mais plutôt dans le cœur. Le cerveau n'est qu'une espèce de mémoire. Lorsqu'il y a un contact par l'une ou l'autre des cinq portes physiques, ces contacts vont être enregistrés dans le cerveau. Mais ces différentes consciences apparaissent et disparaissent très rapidement. Et il y a chaque fois l'esprit qui se manifeste en même temps que la sensation, en même temps que la perception. Ces trois choses se manifestent ensemble et ont toujours la même base. Prenons un exemple. Lorsque nous sommes en colère, où cette colère se manifeste-t-elle? Où ressentons-nous cette sensation de colère? Nous ne la ressentons pas dans le cerveau, nous la ressentons dans la poitrine, plus exactement au niveau du cœur. Il est possible que cette sensation qui est ressentie au niveau du cœur va provoquer de certains effets dans le corps, comme par exemple la circulation sanguine qui va s'accélérer, le visage qui pourrait devenir rouge. Cet esprit avec colère se manifeste donc dans le cœur. Elle ne se manifeste pas dans le cerveau. Un autre exemple, c'est celui de deux amoureux qui ressentent une forte sensation. Cette sensation qu'ils ressentent se manifeste au niveau du cœur. Elle ne se manifeste pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est simplement une espèce de mémoire, un disque dur, pourrait-on dire. Mais la sensation, la perception et la conscience de ces contacts mentaux se produisent au niveau du cœur. Toutes ces consciences apparaissent et disparaissent très rapidement, mais ne durent pas. Elles se succèdent à très grande vitesse. L'esprit n'existe pas à proprement parler dans le corps. Mais pour comprendre tout cela, ce ne sera pas facile. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana, il faudra commencer par développer une très forte concentration, une très forte attention. Ce n'est qu'alors qu'on pourra comprendre. Ici, je vous ai donné des explications théoriques, et vous pouvez comprendre dans une certaine mesure. Mais cette compréhension théorique est très fragile. Il est fort probable qu'à peine sorti de la salle, vous ayez oublié. Il faudra donc s'efforcer de comprendre par expérience directe, et ceci ne sera pas facile. Le Bouddha nous parle de anatta. Anatta, c'est le fait qu'il n'y a à l'intérieur de nous aucune entité permanente qui perdurerait. Prenons par exemple le briquet. Le briquet a d'abord sa forme de briquet, il y a le gaz, il y a la roulette, il y a la mèche. Tout cela, ce sont les conditions pour que le feu apparaisse. Si l'une de ces conditions devait manquer, le feu ne pourrait pas apparaître. Peut-on dire dès lors que le feu existe dans le briquet, qu'il est présent dans le briquet? Non, le feu n'existe pas dans le briquet. Il n'y a simplement des causes qui, si elles sont réunies, peuvent le faire apparaître. Mais le feu ne demeure pas dans le briquet attendant l'occasion de se manifester. C'est la même chose pour ce qui est du corps et de l'esprit. Si les causes pour l'apparition de la conscience sont présentes, cette conscience va apparaître. Mais on ne peut pas dire que la conscience ou l'esprit demeure dans l'esprit, existe dans l'esprit attendant de se manifester. Pour acquérir les vues justes, la compréhension correcte, il faudra obligatoirement fournir un gros effort, développer l'attention, la concentration, la considération juste et la compréhension juste. Essayez donc de fournir cet effort à chaque instant. Évitez de trop réfléchir. Observez attentivement et efforcez-vous de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Si vous réussissez à introduire en vous les vues justes, cela vous sera très utile dans la vie de tous les jours. vous aurez compris qu'il n'y a à l'intérieur de vous que des causes et des effets. So this time up. May you all be able to see the reality of our life by through the real Vipassana meditation. Sadhu, sadhu, sadhu.